Chapitre 13e. Entretien. M. Belfield arriva le lendemain. Il rougit beaucoup en se rappelant vraisemblablement la triste révolution que sa fortune avait éprouvée et réfléchissant à son ajustement. Quoiqu'il s'efforçât de déguiser ses sentiments sous une gaieté et une indifférence apparentes, la contrainte qu'il s'imposait donnait à ses manières un air tout à fait extraordinaire. M. Monckton le reçut avec politesse. Et Cécile, qui s'aperçut du combat qu'il y avait entre sa philosophie et sa vanité, affecta de l'accueillir avec la plus grande cordialité pour lui donner du courage et le mettre un peu plus à son aise. Les amitiés de M. Monckton, la politesse et les égards de Cécile dissipèrent bientôt son inquiétude. Il reprit sa gaieté et son esprit parut tout aussi brillant qu'il l'eût jamais été. Je me flatte que cette bonne compagnie, dit-il en s'adressant à Cécile, « connais trop les usages pour critiquer mon déshabillé, qui est parfaitement dans le costume du corps auquel je me suis attaché. J'espère que vous voudrez bien le respecter et le considérer comme une preuve évidente d'esprit et de savoir. » « Ce qu'il y a de sûr, c'est que vous méritez notre admiration, » répondit Cécile, « pour savoir prendre aussi gaiement votre parti et en plaisanter aussi agréablement que vous le faites. « Ah, mademoiselle, » ajouta-t-il plus sérieusement, « ce n'est point de votre part que je dois attendre de l'admiration. » Je devrais, au contraire, vous paraître le plus lâche et le plus inconséquent de tous les hommes. Il n'y a que très peu de temps que j'ai rougi devant vous de ma misère, quoique occupé d'une manière plus utile que lorsque vous m'avez vu dans l'aisance. Cette honte, une fois surmontée, une autre tout aussi déplacée lui a succédé. Avant-hier encore, j'ai de nouveau paru confus de ce que vous m'aviez trouvé dans un état tout différent, quoique je n'eusse quitté l'autre que parce qu'il m'avait paru mal choisi. On dirait que la nature humaine est susceptible d'une légèreté et d'une inconstance que rien ne serait capable de vaincre. « Votre façon de penser a furieusement changé dans l'espace d'un an, » reprit Monckton. « Aigri par les disgrâces, » répondit-il, « je parle peut-être avec trop d'humeur. Malgré cela, ma façon de penser n'a pas beaucoup changé. La félicité est plus commune et nous est dispensée plus libéralement que nous ne sommes portés à le reconnaître. Ce n'est que le bon sens qui nous est donné avec poids et mesure. » Notre portion de ce dernier est si peu considérable que lorsque le bonheur est à notre portée et devant nos yeux, nous ne prenons jamais la route qu'il nous présente. Telle a été ma conduite. Je le croyais éloigné, entouré d'épines et de périls, tandis que tout ce que je pouvais désirer était immédiatement sous ma main. Il faut avouer, reprit M. Monckton, après tout ce que vous avez souffert de la part de ce monde, dont vous preniez ordinairement la défense, qu'on a peu de raison d'être surpris que vous ayez un peu changé à son égard. « Je reconnais pourtant, quelles qu'étaient mes peines, répondit-il, que je me les suis en général attirées par mon étourderie et mes caprices. Ma dernière entreprise, surtout, dont je me promettais le plus de satisfaction, était peut-être la plus imprudente de toutes. Je n'avais point considéré combien la vie que j'avais menée jusque-là m'avait mis hors d'état de tenter une pareille expérience. » Combien j'avais été énervé par une oisiveté habituelle, et combien mes forces répondaient peu à ma résolution. Nous pouvons entreprendre de combattre certains préjugés. Notre constance et notre fermeté sont souvent propres à les détruire. Mais on ne saura jamais vaincre ceux que nous avons sucés avec le lait, et qui ont été fortifiés par l'éducation. Ne voulez-vous donc pas, lui demanda Cécile, à présent que votre expérience vous a si mal réussi, retourner dans le sein de votre famille et reprendre le genre de vie auquel vous aviez renoncé. Vous parlez de ces deux choses et vous les confondez, repartit-il en souriant, comme si elles vous paraissaient inséparables. Et la crainte que j'ai que mes parents ne les regardent du même œil m'a fait redouter de les revoir. N'aimant point à m'exposer aux contradictions, et ne pouvant embrasser une seconde fois le genre de vie qui leur ferait le plus de plaisir, j'ai renoncé à ma chaumière, ce qui n'empêche pas que mon indépendance ne me soit aussi précieuse que jamais. Tout ce que l'expérience m'a appris est de la conserver par ces occupations auxquelles mon éducation m'a rendu propre, au lieu de la chercher imprudemment par la seule voie qu'elle semblait m'avoir interdite. Qu'est-ce donc que cette indépendance, s'écria M. Monckton, qui a si fort exalté votre imagination? Un vain songe produit par des idées romanesques, qui n'existent point dans la nature et est absolument incompatible avec l'ordre ordinaire des choses? Dans les pays sauvages, ou dans des temps d'anarchie, l'indépendance peut-être existe pendant quelques instants, mais dans un gouvernement régulier, elle n'est que pure illusion. Il est absolument nécessaire qu'une partie de la société soit subordonnée à l'autre. Le soldat n'a pas plus besoin de l'officier que ce dernier n'ait besoin de lui, ni le vassal du seigneur plus que le seigneur du vassal. Les riches sont redevables de leur distinction, de leur luxe aux pauvres, autant que les pauvres le sont de leur salaire et de leur subsistance aux riches. Si vous considérez l'homme comme un simple automate, reprit Belfield, et eu égard à ses opérations animales, vous avez certainement raison de le traiter d'être subordonné et dépendant, puisque les aliments dont il ne peut se passer pour vivre ne sauraient être tous cultivés et préparés de ses propres mains. Observez néanmoins sous un jour plus favorable et sous un plus noble aspect, il ne mérite point une épithète aussi humiliante. Parlez-en donc comme d'un être doué de sensibilité et d'intelligence, dont l'amour-propre peut être révolté, qui a des nerfs flexibles, un honneur à satisfaire, une âme immortelle. Comme tel, n'a-t-il pas le droit de s'attribuer la liberté de penser, et ne peut-il l'étendre jusqu'à celui de parler? Je regarde comme indépendant, continua-t-il avec énergie, l'homme qui, n'ayant pas plus d'égard pour les grands que pour les petits, en agit également avec les uns et les autres, qui ne tire aucune vanité de ses richesses et ne rougit point de sa pauvreté. Il est sûr que vous ne devez pas vous attendre à former un grand nombre de liaisons, si ceux avec lesquels vous proposez de vivre doivent être exactement conformes à la description que vous venez de nous en faire. Mais est-il possible que vous imaginiez pouvoir conserver des idées de cette espèce? Et quel est l'homme d'esprit qui pourrait vivre au milieu du monde avec des principes aussi austères? Je me les suis non seulement imposés, répliqua Belfield, mais je les ai déjà pratiqués. Et loin qu'il m'ait paru dur, je ne me suis jamais trouvé aussi heureux. Actuellement, quoique pauvre, j'ai choisi par nécessité le genre de vie que j'aurais adopté si j'avais été riche. Mon occupation est devenue mon amusement. Dès ma plus tendre jeunesse, jusqu'à ce moment, la littérature a été mon étude favorite, la recréation de mes heures de loisir, et celle dont je m'étais promis de l'avancement. J'avoue que mon penchant pour elle a été si peu réglé que je pourrais avec quelque raison le regarder comme la source des disgrâces que j'ai essuyées. Il s'est opposé à mes succès en m'inspirant un dégoût marqué pour toute autre occupation. Il a été la cause de l'inconstance qu'on m'a reprochée parce que je l'ai toujours préféré à tout. Il m'a plongé dans la détresse, il m'a causé les plus grands embarras et m'a conduit au bord du précipice en me faisant négliger les moyens de poursuivre mes besoins. Et néanmoins, jamais jusqu'à présent, je n'avais pensé qu'il pût servir à ma subsistance. « Je suis charmé, monsieur, lui dit Cécile, que vos diverses tentatives aient enfin abouti à un projet qui vous promet tant de satisfaction. Je suis sûr pourtant que vous le communiquerez à votre mère et à votre sœur, car personne au monde ne prend le même intérêt ni ne sera plus touché qu'elle de votre félicité. Vous leur faites le plus grand honneur, mademoiselle, en daignant vous intéresser à ce qui les regarde. Mais à vous parler franchement, ce qui me paraît à moi un bonheur pourra bien ne pas l'être à leurs yeux. Elles ont regardé mon élévation, quelque peu vraisemblable qu'elle fût, comme certaine, et avec une simplicité incroyable, elles ont imaginé que rien n'était au-dessus de mon mérite, que tout était à ma disposition. Quoique leurs espérances fussent chimériques, ce n'est qu'avec peine que je les vois trompées, et je n'ose point être témoin des gémissements et des larmes qu'il leur sera sûrement impossible de retenir en me voyant. « C'est donc par délicatesse, repartit Cécile, que vous vous montrez cruelle, et par affection pour votre mère et pour votre sœur que vous leur laissez croire que vous les avez oubliées. » Ce reproche avait quelque chose de fin, et il était tourné précisément de manière à faire effet sur l'esprit de Belfield, qui, en sentant toute la force, s'écria « Il me semble que j'ai tort. Je vais dans le moment les voir. » Cécile s'empressa d'applaudir à ce premier transport. « Elles n'éprouveront jamais, lui dit-elle, de plus vives mortifications que celles que leur cause votre absence volontaire. » Et dès qu'elles sauront que vous êtes heureux, elles ne tarderont pas à être contentes du genre de vie que vous avez choisi et qui vous a rendu tel. « Heureux ? » repartit-il avec feu. « Oh, je me crois en paradis. La région que je viens de quitter était inculte et barbare et celle où je me trouve est polie, éclairée et civilisée. La vie que j'ai menée dans la chaumière que j'ai abandonnée était celle d'un sauvage, sans la moindre communication avec personne, sans le secours des livres. Mon esprit renfermé en lui-même se trouvait privé de toute ressource. Une nourriture grossière et le sommeil étaient mes seules jouissances. Fatigué d'une existence qui me plaçait au niveau de l'animal, j'étais honteux de m'en trouver si rapproché, et prêtant l'oreille au conseil de ma raison, j'ai renoncé à ce projet peu réfléchi. Je me suis rendu à Londres, j'ai loué une chambre, j'ai envoyé chercher de l'encre, des plumes et du papier. Jusqu'à présent, je n'ai encore publié que des bagatelles. Le libraire ne les a point dédaignées. Je me suis par conséquent trouvé tout de suite établi. Et comparant mes nouvelles occupations avec celles que je venais de quitter, je me suis cru tout à coup d'un animal privé d'intelligence transformé en un être raisonnable. « Mais, monsieur, dit Cécile, n'étiez-vous pas dernièrement aussi enthousiasmé de votre chaumière et de vos occupations champêtres ?»« Je l'avoue, mademoiselle, mais en cela, ma philosophie m'abusait. Dans mon empressement à me dérober à l'humiliation et à la servitude, j'avais cru que le travail et la retraite me procureraient le bonheur et la liberté. Mais j'oubliais qu'un esprit qui avait commencé par acquérir des connaissances aurait peine à s'accoutumer à ne plus recevoir d'instructions. Ajoutez à cela que l'approche de l'hiver m'a fait encore mieux connaître mon erreur. Le temps devenait sombre et froid. Peu en état de me préserver de la rigueur de la saison, tous mes membres se ressentaient de son influence, et je me trouvais privé de 1000 commodités dont, tant que je n'avais joui, la valeur m'était peu connue. Obligé de me lever à l'aube du jour, gelé, morfondu et sans avoir rien pour me réchauffer. Point de feu dans la chaumière et le soleil se cachant au dehors. Forcé, quelque temps qu'il fît, de sortir pour travailler en plein air et m'occuper d'ouvrages rudes, pénibles et grossiers, je sentis qu'il m'était impossible de supporter ces fatigues, et quoique, malgré moi, j'étais forcé d'y renoncer. Il se leva alors pour prendre congé. « Vous vous en allez donc, monsieur ?» dit Cécile. « Voir tout de suite, mademoiselle Belfield ?»« Non, mademoiselle, » répondit-il après avoir. « Voir tout de suite, mademoiselle Belfield ?»« Non, mademoiselle, » répondit-il après avoir un peu hésité. « Pas précisément dans ce moment. Demain matin, peut-être. Actuellement, il est tard, et j'ai affaire pour tout le reste de la journée. Je dois vous avouer que, quoique dans un premier mouvement, j'ai pensé à m'aller présenter à elle et à ma mère. Actuellement que je suis un peu plus de sang-froid, je voudrais fort m'épargner l'embarras de leur apprendre ma situation, et je me propose, avant de les voir, de leur écrire pour les en prévenir. Vous ne manquerez donc pas de les voir demain ? Certainement, du moins je l'espère. Vous auriez en vérité tort d'y manquer. Je compte aller chez elles dans la journée et je leur annoncerai votre visite. Voilà, dit M. Monckton, lorsqu'il fut sorti, un homme bien inconstant et d'un caractère singulier, quoique plein de talent et de génie. Si son imagination était moins vive, moins exaltée et mieux réglée, il n'y a rien au monde à quoi il ne fût propre. Il ne tiendrait qu'à lui d'embrasser la profession qu'il jugerait convenable et qui lui plairait le plus. Il ne saurait manquer de s'y distinguer. « Je n'avais encore point connu, répliqua Cécile, jusqu'au moment où j'ai vu ce jeune homme, tout le mérite de la persévérance. M. Belfield a des talents, l'attachement le plus sincère à la vertu, des manières très distinguées, et malheureusement, il ne saurait ni agir conséquemment, ni être longtemps heureux. » Cécile se rendit dans la journée chez Mme Belfield, qu'elle trouva avec sa fille. Ne voulant pas les alarmer, elle adoucit ce qu'elle avait à dire de désagréable relativement au genre de vie que Belfield venait d'embrasser, en commençant par les assurer qu'elle ne tarderait pas à le voir. Elle leur conseilla de ne point lui témoigner toute leur sensibilité à ses malheurs, parce qu'ils pourraient croire qu'elle lui reprocherait sa mauvaise conduite, et leur représenta que, lorsqu'ils seraient une fois réunis avec sa famille, il leur serait facile de l'engager peu à peu et imperceptiblement à suivre une vocation moins précaire et plus utile que celle qu'il avait embrassée. Après leur avoir dit tout ce qu'elle crut devoir leur apprendre, mêlant à son récit des conseils et des consolations, elle termina sa visite, car la douleur de Mme Belfield en apprenant la situation actuelle de son fils fut si bruyante et si difficile à contenir qu'elle ne fut plus étonnée que Belfield n'eût pas eu le courage de s'y exposer, et n'ayant aucun espoir de pouvoir consoler la tendre Henriette qui pleurait amèrement la disgrâce de son frère, elle se contenta de lui promettre qu'avant son départ de Londres, elle la reverrait. Le reste de la journée se passa dans de tristes réflexions sur l'entrevue qu'elle devait avoir le lendemain avec M. Delville. Elle désirait ardemment de savoir si son fils avait quitté le royaume, et si Mme Delville, qui dans sa propre lettre parlait de sa santé en termes assez alarmants, était rétablie. Cependant, elle n'osait même penser à lui faire des questions à ce sujet, puisqu'elle avait d'ailleurs toutes les raisons de s'attendre à des reproches de sa part. Ainsi s'achève le livre 8e de Cécilia, Mémoire d'une héritière, par Fanny Burnet.